La prohibition, c'est un peu comme si tous les Américains avaient décidé de mettre leur propre cerveau en mode arrêt pendant quelques années. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre monde actuel. Un monde où on veut interdire les choses et où on risque de se retrouver avec une vague de retour extrêmement forte. Mais pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut remonter à l'époque où beaucoup de gens refusaient les changements qui se produisaient dans leur pays. Vous savez, avec tous ces migrants qui débarquaient, ces villes qui grandissaient et tout ça. Les gens des petites villes se sentaient menacés par ces grandes mégalopoles peuplées d'étrangers. Et ils ont réagi en se cramponnant à leurs valeurs traditionnelles et en devenant super conservateurs. C'est un peu l'inverse qui se passe actuellement. Vous avez d'un côté des gens qui sont super conservateurs, mais vous avez aussi des idées d'interdiction qui viennent au contraire des groupes les plus progressistes. Ceci dit, le résultat à la fin sera probablement le même. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Bref, c'est comme ça qu'on en est arrivé à la prohibition. Parce que boire de l'alcool, c'était comme si vous invitiez tous les problèmes à venir chez vous. Bref, c'était vraiment une époque étrange. Bonjour. Je suis François-Xavier et aujourd'hui je vais vous parler de la prohibition. Avant la prohibition, les gens buvaient surtout de la bière et les saloons étaient comme des clubs sociaux pour les travailleurs immigrés. Ils pouvaient manger, recevoir du courrier, téléphoner et même mettre certains objets de valeur à l'abri. Mais ces endroits étaient aussi un centre de réunion politique, de jeux d'argent et même de prostitution. Alors bien sûr, les gens qui voulaient purifier la société ont commencé à les voir comme des foyers de corruption et de criminalité. Les femmes, qui étaient souvent les principales victimes de l'alcoolisme de leur mari, ont été les premières à se lever pour la prohibition. Mais il y avait aussi des groupes religieux, des organisations, comme la Société New-Yorkaise pour la suppression du vice, qui ont soutenu cette cause. Et bien sûr, le Ku Klux Klan a également appuyé la prohibition parce qu'il voyait les saloons comme un moyen pour les immigrés catholiques de corrompre la société américaine pure et blanche. Donc, en 1920, après des années de campagne, les États-Unis ont adopté la prohibition. C'était un grand moment pour le féminisme organisé qui avait travaillé dur pour obtenir l'interdiction de l'alcool et le droit de vote des femmes. Bien sûr, les deux ne sont absolument pas liés. Les femmes voyaient l'alcool comme une source régulière de violence domestique et de pauvreté pour les familles ouvrières. Pauvreté parce que les ouvriers dépensaient trop d'argent en alcool, argent qu'ils ne donnaient pas à leur famille. Et les femmes ont été les principales forces derrière les campagnes pour la prohibition. Depuis les années 1870, des groupes comme la Women's Christian Temperance Union avaient organisé des campagnes pour interdire l'alcool en soutenant les efforts du parti prohibitionniste. La loi pour la prohibition a donc été une grande victoire pour les femmes et ceux qui voulaient purifier la société. Au cours des années 1890, la campagne pour la prohibition a été renforcée par un groupe de pression bien organisé appelé la Ligue Anti-Saloon. Les saloons, ils étaient attaqués par des prières, mais ça à la limite c'est pas trop grave, mais aussi parfois physiquement, comme le faisait par exemple la célèbre activiste Carrie Nation avec sa hachette pour casser des tonneaux d'alcool. Et toute cette campagne ont fait que le nombre de personnes qui soutenaient la prohibition augmentait, ainsi que leur influence politique. Ils étaient si bruyants qu'ils ont même réussi à atteindre la Maison Blanche. Le président Benjamin Harrison et sa femme étaient eux-mêmes des prohibitionnistes. En fait, ils ne servaient pas d'alcool à la résidence présidentielle. Et là, on voit un premier parallèle avec des groupes de pression actuels qui sont très activistes, parfois de manière pacifique, comme l'étaient les prières contre les saloons, mais également parfois de manière violente. Et ils justifient cette violence en disant qu'ils veulent purifier notre société. Évidemment, ils n'utilisent pas le terme purifier, mais c'est leur idée. En fait, ils veulent une société soit plus juste, soit moins sexiste, soit peu importe la raison en fait. Ils utilisent toujours à peu près ces solutions. La prière d'un côté, évidemment pas la prière, mais les débats pacifiques d'un côté, et de l'autre côté, la violence. Et ça leur permet d'imposer leurs idées, idées que l'on retrouve même de plus en plus dans des lieux de pouvoir comme par exemple le Palais de l'Élysée en France. Mais dans les années 1890-1920, il y a eu une opposition, l'opposition catholique, qui était minoritaire et principalement issue de l'immigration et des grandes villes. Elle s'opposait à l'interdiction de la vente d'alcool. Les démocrates, qui représentaient cette opinion, étaient accusés d'appartenir au parti du Rome, du catholicisme romain et de la rébellion. Ce qui ajoutait en plus une dimension religieuse et discriminatoire à cette question. Quoi qu'il en soit, en 1920, les États-Unis ont donc décidé de mettre fin à l'alcool en interdisant toutes sortes de boissons, sauf pour les prêtres catholiques et les rabbins juifs, qui ont toujours été autorisés à boire du vin de messe pour les catholiques et l'équivalent pour les juifs. Heureusement pour les amateurs d'alcool, les États-Unis sont entourés de pays qui produisent un alcool de qualité, comme le Canada avec son whisky de seigle, les îles caribéennes avec leur rhum de canne à sucre, les Bahamas qui sont un haut lieu de contrebande populaire, Cuba avec son rhum, les îles françaises et hollandaises des Caraïbes qui fabriquent des alcools, le Mexique avec sa tequila et son mezcal. Donc, la prohibition est devenue un véritable casse-tête géopolitique pour les autorités américaines. Et c'est la même chose quand on interdit quelque chose en France. On crée automatiquement une contrebande des produits qui viennent des pays voisins. Pendant la prohibition, importer de l'alcool illégalement, c'était un jeu d'enfant. Il suffisait d'avoir un peu d'argent pour acheter de l'alcool à bas prix dans un pays voisin et d'avoir un moyen de transport pour le faire entrer clandestinement aux États-Unis. Les bénéfices étaient énormes car les consommateurs étaient prêts à payer cher pour s'approvisionner en alcool illégalement. Et on voit ça aujourd'hui en France, par exemple avec les cigarettes. On augmente le tarif sur les cigarettes, mais du coup, vous avez une contrebande qui se fait avec les pays voisins où les Français vont s'approvisionner et où certains contrebandiers s'approvisionnent même en grande quantité pour pouvoir revendre des cigarettes à la sauvette en France. Pour monter un réseau de contrebande d'alcool, il fallait des hommes forts et de confiance, un investissement initial et des armes achetées à bas prix sur le marché noir. Les bandes de criminels, elles se sont alors formées sur le modèle des associations ethniques, les Italiens, les Irlandais, les Juifs, etc. Et je me demande si ça ne vous rappelle pas des choses que l'on voit actuellement en France. Les relations entre les bandes étaient compliquées et les luttes pour les contrôles de territoire étaient extrêmement dures. Heureusement, il est difficile de tout résoudre avec une mitraillette Thompson, même pour les criminels les plus violents. Des accords ont donc été nécessaires pour éviter une violence déchaînée lors de luttes pour le contrôle de Chicago, comme par exemple le célèbre massacre de la Saint-Valentin où Al Capone a tenté de se débarrasser de son rival irlandais Bugs Moran. Un massacre qui signe la fin des grands massacres. Après ça, les bandes sont arrivées à une conception du crime en tant qu'entreprise. Les Italiens, les Juifs et les Irlandais ont convenu de reconnaître des zones de domination et de répartir les bénéfices. Et c'est à ce moment-là que la presse a commencé à parler de The Syndicate, qu'on peut traduire par le crime organisé. Et ça a remplacé le terme The Mob, qui veut dire activité criminelle. Mais la violence excessive, la couverture médiatique et l'impunité des criminels ont obligé le gouvernement fédéral à intervenir. Le réseau d'Al Capone, par exemple, a subi un démantèlement relatif parce que son chef a été incarcéré pour évasion fiscale, le seul délit pour lequel on a pu le punir. Auparavant, Capone jouissait d'une véritable immunité grâce au pot de vin qu'il versait à des policiers et à des politiciens locaux. Il était tellement puissant qu'il a même publiquement battu le maire de Cicero, la commune où il résidait, parce que ce dernier avait osé prendre une décision sans le consulter. Les gangsters disposaient d'une grande quantité d'argent et ça leur permettait de corrompre à tous les niveaux, de la police aux autorités les plus élevées. Le ministère de l'économie, par exemple, qui était responsable de la lutte contre la contrebande d'alcool, a dû licencier 706 de ses agents et en mettre 257 en examen. En plus du manque de moyens et de la corruption des autorités, la prohibition était mal vue par une grande partie de l'opinion publique, surtout dans les grandes villes. Les citadins considérer cette interdiction comme une idée stupide imposée par des paysans aux croyances religieuses rétrogrades. Cela a créé une ambiance de mépris pour la loi, et c'est à cette époque que le mot « scofflaw » est apparu, désignant quelqu'un qui se moque des lois et des réglementations. Cela a également entraîné une alcoolisation massive de la société. Les jeunes citadins, en particulier les étudiants universitaires, ont transformé la boisson en un passe-temps divertissant et l'ivresse en un style de loisir élégant. L'écrivain Francis Scott Fitzgerald et son épouse Zelda étaient fréquemment ivres et ils ont contribué à cette culture de l'ivresse. En fait, finalement, la prohibition a été à l'origine de plus d'alcoolisation de la société. En interdisant quelque chose, on a contribué à son essor. En 1927, la prohibition était un échec évident, mais personne n'osait l'admettre publiquement. Lors des élections présidentielles de 1928, le gouverneur de New York, Alfred E. Smith, a été choisi comme candidat démocrate. Il était contre la prohibition et il était aussi catholique. Mais malheureusement pour lui, il a perdu contre le candidat Quaker, Herbert Hoover, qui ne voulait pas perdre son capital politique en accordant des concessions aux demandes des buveurs. C'est donc à l'élection présidentielle suivante, en 1932, que le successeur de Smith en tant que gouverneur de New York, un certain Franklin D. Roosevelt, s'est présenté comme le défenseur du changement. Il a été élu avec une écrasante vague de soutien et en mars 1933, il a légalisé la bière avec un taux d'alcool de 3,2%, ainsi que le vin et le cidre également légers. Et en décembre de la même année, le gouvernement, qui avait désespérément besoin d'argent, puisqu'on était dans la Grande Dépression, a décidé de mettre un nouvel amendement constitutionnel, le 21e, qui a annulé le 18e et qui a mis fin à la prohibition. Les revenus dérivés des impôts sur l'alcool ont pu donc renflouer les caisses du gouvernement pour lutter contre la Grande Dépression qui faisait des ravages dans le pays. Et j'aimerais bien savoir si cette histoire de la prohibition ne vous fait pas penser à des choses beaucoup plus actuelles. Des groupes de pression qui arrivent jusqu'au sommet de l'État et qui poussent à certaines interdictions. Ou alors, peut-être à des interdictions que l'on a aujourd'hui et qui ne contribuent qu'à développer le crime organisé et la contrebande. Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La prohibition, c'est comme essayer de mettre le feu à l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.